إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On poursuit inshallah ou ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla. Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le dernier cours, on s'arrêtait à la quatrième base, Al-Qa'idatu al-Rabi'a, et on avait vu ce que indiquaient les noms d'Allah Azzawajal, et on a détaillé dans cela. Ensuite, dans son livre, le Shir nous a parlé d'une question qui était très importante. Il nous a rappelé rahimahullah que la parole d'Allah et la parole de son prophète, ces paroles-là sont la vérité. Et ce qui va impliquer ces paroles-là, c'est également la vérité. Donc l'implication, ce qu'on avait appelé Al-Lazim. Donc ce qui implique la parole d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si cela est valable d'être considéré comme une implication, c'est donc également une vérité. On l'a expliqué, on l'a détaillé. Ça c'est pour la parole d'Allah, ça c'est pour la parole du prophète. Et qui est donc le Coran et la Sunna. Et qui sont donc la révélation. Ensuite le Shir, il est passé à un deuxième point. Et qui concernait la parole des gens. Ceux qui sont dehors d'Allah et de son prophète. Il nous avait rappelé, rahimallah, qu'il y avait trois cas. Le premier cas, c'est lorsqu'une personne affirme une parole et que cette parole-là, elle implique des points ou elle implique une chose. Si la personne, et ça c'était le premier cas, elle est d'accord avec ce que ça implique, alors ça devient sa parole. Et dans le deuxième cas, si elle n'est pas d'accord avec ce que cela implique ou si lorsqu'on lui rappelle ce que implique cette parole-là, il n'est d'accord, alors on ne peut pas considérer que cette parole lui appartient. Et donc on ne peut pas annexer cette parole à son locuteur. Ça c'était les deux premiers cas. On avait donné des exemples et on avait détaillé dans cela. Le Cheikh nous avait dit, et c'était ici le troisième cas, car il y a bien trois cas. Le premier cas, le deuxième cas et ensuite le troisième cas. Pour ce qui est du troisième cas, il va nous dire le shir al-hal al-thalitha an yakuna al-lazim maskutan anhu fala yuzkaru bi-iltizam wala man'in fa hukmuhu fi hadhihi al-hal an la yunsaba ila al-qa'il li'annahu yahtamilu law dhukira lahu an yaltazima bi aw yamna' at-talazum wa yahtamilu law dhukira lahu fa tabayyana lahu luzumu wa butlanu an yarji'a an qawlihi لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذان الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. Dans ce troisième cas, et c'est le cas le plus sensible, c'est lorsqu'une personne dit une parole et qu'ensuite ce qu'implique cette parole là il n'est pas cité. Donc l'implicite ici va être passé sous silence. C'est-à-dire, je dis maintenant, moi, une parole. Cette parole, elle va impliquer une règle, elle va impliquer des points. Mais, on ne me rappelle pas ce qu'elle implique, cette parole-là. Taïeb. Est-ce que ensuite, une personne qui aurait entendu ma parole, pourrait dire, cette parole de cette personne, elle implique ça, elle implique ça. Est-ce que on va dire que ce que a impliqué sa parole et sa propre parole également? Et le shir va nous répondre non. Il va détailler. Pourquoi? Parce que si on va lui rappeler ce que implique cette parole-là, il va avoir trois cas qui vont se présenter. Le premier cas, comme nous a dit le shir, que si on lui rappelle ce qu'implique sa parole, yaltazim, c'est-à-dire il va être en total accord avec ce qu'implique sa parole. Fayaltazim. Donc, à ce moment-là, on va considérer que c'est sa parole. Sanihtimel, c'est-à-dire donc, c'est une possibilité qui peut advenir. Dans le deuxième cas, ouyamnaat talazum. C'est-à-dire le deuxième cas, il va lui se défendre et va rejeter cette implication. Comme on l'a vu auparavant, il se peut que la personne qui dise ce que tu as dit, ça implique cela, que cette implication elle soit non valable. Comme on l'a vu dans le cas de ce qu'on appelle un nafi, celui qui a renié les noms ou les attributs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il disait que celui qui va attester, qui parle à celui qui atteste les noms, parmi les gens de la sunna qui attestent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, que cela implique al-mumathala, que cela implique donc la ressemblance, d'attester une ressemblance avec les créatures. On a vu que c'est un talazum ici qui est bâtil. C'est une implication qui n'est non valable. Parce qu'en aucun cas ça implique d'attester les noms et les attributs, ça implique l'anthropomorphisme, ça implique la ressemblance aux créatures. Dans aucun cas, comme on l'a cité précédemment. Donc dans ce cas-là, si à la personne on va lui rappeler ce que ça implique, sa parole, mais c'est une application qui est donc fausse, lui, bien entendu, il va la rejeter, comme ça a été le cas précédemment. Donc on voit ici, on va revenir dans les deux possibilités que le chien nous a citées. La première possibilité, ça revient au premier cas. La deuxième possibilité, ça revient donc au deuxième cas. Et ensuite, la troisième possibilité que le chien va nous citer, c'est que, tout simplement, il se peut que la personne ait dit cette parole-là sans avoir vraiment conscience et science de ce que implique sa parole. Et lorsqu'on va lui rappeler ce qu'implique sa parole, et que là, à ce moment-là, c'est une implication qui est bien entendu valable, alors, yataraj. C'est-à-dire qu'il va tout simplement revenir sur sa parole. Il va dire, puisque cela implique, ma parole implique cela, donc je reviens sur ce que j'ai dit, car je m'aperçois que c'est une parole qui est donc en réalité fausse. Comme il nous dit le shir, anna fasad al-lazim yadullu ala fasad al-malzum. Donc, si ce que ça a impliqué, si l'implication ici est fausse, automatiquement, le contenu de cette implication va devenir automatiquement faux. Donc, on ne peut le considérer ou l'accepter. Donc, en résumé, la personne qui va dire une parole et dont on ne lui a pas rappelé ce que sa parole impliquait, on ne pourra jamais dire et à aucun moment que ce que cette parole implique, c'est en réalité sa parole à lui. Parce que dans le doute, on ne sait pas comment il va réagir et ce qu'il lui il va accepter. Est-ce qu'il va accepter cette implication? Est-ce qu'il va la rejeter? Ou alors, est-ce que au moment où on va lui rappeler ce que cela implique, il va tout simplement revenir sur sa parole? Donc à ce moment-là, et c'est le troisième cas, on ne peut donc considérer que cette implication, ça soit sa parole, si on ne lui a donc pas rappelé à cette personne-là ce qu'impliquait sa parole, et que donc il n'a rien dit à ce sujet, ce qu'elle impliquait. Et il nous dit le shir, فَإِنْ قِيلْ إِذَا كَانَ هَذَا التَّلَازُمْ أَوْ إِذَا كَانَ هَذَا اللَّازِمُ لَازِمًا مِنْ قَوْلِهِ لازم أن يكون قولا لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. Une personne ici qui va faire une objection et qui va dire que, bien au contraire, la personne, si elle dit une parole et que cette parole elle implique des choses, automatiquement on est obligé de dire que ce que ça implique, ça revient à sa propre parole. Pourquoi? Parce que c'est l'origine même. لازم أن يكون قولا لأن ذلك هو الأصل. Le shir va répondre à cette ambiguïté et il va dire هذا مدفوع بأن الإنسان بشر. Tout simplement, cela est rejeté. C'est quelque chose donc qui est rejeté. Cette objection est rejetée. Pourquoi? Parce que la personne, c'est un homme. Et il nous dit وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفر أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازم ونحو ذلك. Donc il nous dit ici le cheikh que la personne, que l'homme, bachar, c'est-à-dire donc il peut se tromper, il peut avoir donc des états qui sont donc propres à lui, à sa propre nature, à la nature donc humaine. Et ces états-là, comme à l'exemple de l'inattention, de l'étourdissement, c'est-à-dire lorsqu'il va être étourdi, lorsqu'il dit cette parole-là, il va être inattentif à ce qu'il a dit, ou alors à un moment où sa réflexion est saturée, ou à un moment également lorsqu'il est dans un débat, dans une controverse, il va dire une parole sans réellement réfléchir sur ce que cela implique. Et ça arrive à tout le monde. Lorsque la personne, par exemple, elle est en train de débattre avec une autre personne sur un sujet bien précis, il se peut qu'à un moment, au moment de l'incommodité du débat, la controverse, il se peut qu'elle dise des choses, elle ne se rend pas vraiment compte de ce que cela implique. Pourquoi ? Parce que la personne, c'est une personne, c'est un humain, et donc automatiquement, l'imperfection fait partie de lui. Et donc il va avoir ses états qui sont propres à lui. Et à ce moment-là, il peut dire des choses dont il ne se rend vraiment pas compte de ce qu'elles impliquent. Et si ensuite on lui rappelle ce qu'elles impliquent, il va peut-être revenir, comme c'était le troisième cas que le chir, ou la troisième possibilité que le chir nous avait citée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne pourra jamais dire qu'une personne, si elle a dit une chose, et que ça a impliqué d'autres choses, de dire que cette implication fait partie également de sa parole-là. Et là, donc ça c'est important à comprendre. Et surtout, lorsqu'on va continuer dans les cours, et lorsqu'on va voir que, à travers également son livre, le Shir, il va répondre aux ambiguïtés des gens de l'innovation. Et pour répondre donc à ces ambiguïtés, et comme engager donc ce qu'on appelle une monarchie, un débat ou autre, il faut donc connaître ces règles-là. Et pour réellement que le débat porte ses fruits, il faut donc appliquer ces règles et les connaître pour ne pas faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas et ne pas faire attester aux gens ce qu'ils n'ont pas en réalité attesté de par l'implication de leurs paroles. Donc ça, pour ce qui est du dernier point, c'était également très important. Et cela également, on s'en aperçoit lorsque la personne, elle fait ce qu'on appelle un tarjih, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs paroles de savants d'exemple sur une question de jurisprudence, et qu'elle va, à travers donc le regard qu'elle porte sur ces paroles de ces savants et avec les preuves qui sont annexées, il va donc choisir lui une parole parmi ses paroles taïb, suivant donc la force du dalil ou autre. Il se peut que par moment personne, lorsqu'elle fait un tarjih, c'est qu'elle fait le choix d'une parole et d'un avis au détriment des autres. Il se peut que si on lui rappelle que ce choix-là qu'il a fait, ça implique telle et telle règle, telle ou telle chose, et qu'en réalité, ce que cela a impliqué est batil, c'est-à-dire est non valable, que cela ne peut être accepté par rapport aux règles de l'islam ou autre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc revenir sur sa parole-là. Et ça arrive beaucoup, beaucoup de fois, de nombreuses fois, pour les savants, pour les étudiants en religion et autres. Et tout le monde le sait, cela. Donc on voit bien également ici qu'on ne peut donc attribuer à une personne ce qu'elle n'a pas dit, c'est-à-dire par rapport à l'implication. Et que si on lui avait réellement rappelé ce que cela impliquait, elle reviendrait donc sur sa parole. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen lui-même, rahimahullah, il dit, lui, un avis qui est général, qui découle de ce raisonnement, il va nous dire qu'il voit que l'étudiant et le musulman, il ne doit pas aller à l'encontre de ce qu'on appelle le jumhur, c'est-à-dire la majeure partie des savants. Sauf s'il sait, et de façon scientifique, que leur parole, donc, n'est pas la plus forte, ou ne peut être acceptable au vu des preuves, soit du Coran ou de la Sunna. Parce que dans un premier temps, dans beaucoup de cas, la vérité se trouve avec Al-Jumhur, c'est-à-dire la plus grande partie des savants. Al-Ghalib, an al-haq ma'a al-Jumhur. Donc c'est pour ça que si une question advient, et qu'on a réellement science sur le sujet, ou sur la question de jurisprudence dont on traite, il est le mieux de choisir la parole qui est en conformité avec le Jumhur. Sauf si on sait que cette parole-là, elle est faible par rapport à leur, à la preuve qu'ils ont apportée. Et que la partie mineure des savants qui ont choisi l'autre parole ou l'autre avis ont un dalil qui est beaucoup plus fort. En ce cas-là, bien entendu, on suit le dalil, c'est une évidence. Mais dans les cas où la personne n'est pas sûre et n'a réellement science sur le sujet, alors le mieux c'est qu'elle reste avec Al-Jumhur, c'est-à-dire avec la majeure partie, le choix de la majeure partie des savants. Voilà donc pour ce qui est de la quatrième base et le point que le Shir a développé ensuite. La cinquième base, يقول الشيخ القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها لا مجال للعقل فيها. Cette cinquième base qui concerne donc les noms d'Allah Azza wa Jal, qu'on est bien toujours dans la première partie qui concerne ici les noms d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit que أسماء الله تعالى توقيفية, les noms d'Allah Azza wa Jal sont ce que l'on appelle, ou qui revient à ce terme en arabe qu'on a plusieurs fois expliqué, qu'on appelle le terme tawqifiyya, qui vient du terme donc tawqif, et qui est un masdar tawqif, qui vient du verbe tawqafa, qui vient du verbe donc tawqafa, le fait de s'arrêter, le fait de stopper, ou le fait de se stopper, de s'arrêter. Taïb, lorsqu'on dit la personne lorsqu'on dit cette parole-là, la personne elle s'arrête ou la personne elle se stoppe. Ce terme-là, on l'a déjà utilisé pour ce qui était de l'adoration, lorsqu'on avait dit l'ibadatu tawqifiyya. De même, pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal. Le Cheikh l'explique ensuite, donc tawqifiyya, que l'on garde en arabe et qu'on va expliquer, pour savoir ce que ça veut dire, yani tawqifi. La majala lil'aqla fiyya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la raison. Pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal. On va voir ce qu'il veut dire le Shir à travers cette qa'ida, à travers cette base. Il nous dit وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى. طيب. Il va nous dire d'abord le Shir qu'on doit donc s'arrêter. Il reprend le terme al-wukuf, hein, qui est donc un des dérivés du verbe waqafa. Donc le fait de s'arrêter, le verbe waqafa, le fait de s'arrêter. Il nous dit donc qu'on doit s'arrêter pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal à la majabi il-kitab wa sunna. Donc il convient de s'en tenir à ce que nous a mentionné le Coran et la sunna à propos des noms d'Allah Azzawajal. On s'arrête à cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des noms, fala yuzadufia, on ne va pas rajouter des noms, et on ne va pas enlever des noms. Tout simplement. On s'en arrête uniquement au texte religieux. C'est ce que veut dire le terme, tawqifiyya. Et de même pour ce qui était l'ibada, une adoration, on ne peut pas inventer des adorations de nous-mêmes. Ou alors on ne peut pas annuler des adorations nous-mêmes. Pour ce qui est du domaine de l'adoration, on doit automatiquement s'en tenir au texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Donc on s'arrête, donc on voit le terme ici qui revient, Munasaba al-Lughawiyya, on s'arrête donc au Nas, on s'arrête au texte, et on ne va pas plus loin que le texte. Fala yuzad wala yunqas fiha. Donc on va pas rajouter, pour ce qui est ici, des noms, on va pas rajouter des noms, on va pas enlever des noms. Et ici, le Cheikh va nous donner des raisons pour cela. Quelles sont les causes de cette règle-là? Il dit, C'est-à-dire que l'homme et sa raison humaine et qui est limitée, il ne peut concevoir ce qui convient à Allah Azzawajal, l'exalté comme nom. Si on commence à réfléchir et à vouloir donner des noms à Allah Azzawajal, ce serait une chose qui serait impossible, parce qu'on ne peut concevoir cela. C'est au-dessus de notre raison, au-dessus de notre faculté de penser et de réfléchir. C'est bien au-dessus de notre petite raison, minuscule raison. Donc on doit s'arrêter à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. On a le droit donc d'aller plus loin que cela. Ça c'est la première raison que va nous dire le shirk. فَوَجَبَ الْوُقُوفُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. Et également, que si on parlerait, on rajouterait des noms à Allah Azzawajal, on enleverait des noms d'Allah Azzawajal, ça ne tiendrait pas donc au nusus, au texte du Coran et de la Sunna, on parlerait sur Allah sans aucune science. On parlerait sur Allah sur aucune science. C'est pour ça qu'il nous dit, le shirk, il va nous citer ici deux versets du Coran. Le premier qui est le suivant, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et le deuxième verset qui nous cite, وقوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc ces versets-là, le premier qui est le suivant, ne poursuit pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, oui, la vue et le cœur, tout cela a un responsable et seront donc interrogés. Ici le terme « wala taqfu » marna wala taqfu yani wala tattabi'a, c'est-à-dire ne suis pas. On n'a pas le droit de suivre ce dont on n'a pas connaissance, ce dont on n'a pas science. On n'a pas le droit de suivre cela. Donc le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science, on ne peut. Et il nous a interdit de suivre donc ceux qui vont parler sur Allah Azzawajal sans science. Et il ne nous est pas permis de suivre des paroles dont elles ne contiennent pas la science d'Allah et de son prophète. Ça ne nous est pas permis cela. Wala taqfu. Ici bien entendu, c'est interdit. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Car bien entendu, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela va être interrogé. On va être interrogé à propos de ce qu'on a dit sur Allah Azzawajal, si on a parlé sans science. Ayadun billah. Également dans le deuxième verset qui nous a cité le shirk, dit Allah a seulement interdit les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché et l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a pas, ce dont il n'a fait descendre, ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ici, on va voir que dans ce verset, Allah Azza wa Jal, dans la dernière partie, nous dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et de dire Allah, et de dire sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas. C'est pour ça que certains savants ont dit que ce qui a été cité dans ce verset, c'était graduel, par degré de gravité. Et on voit que donc, le dernier point qui est cité, c'est le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science. Donc, ma wa shahid, quel est ici le témoin argumentatif par rapport à ce que le shir développe, c'est que la personne qui ne s'arrête pas au nusus, qui ne s'arrête pas au texte du Coran de la Sunna en ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal, tout simplement il va parler donc sur Allah sans science. Et donc il va rentrer dans ce wa'id shadid, cette menace terrible que l'on retrouve dans ce verset-là, et également dans le premier. Et il nous dit également le shirk comme cause, وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارَ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ سُلُكُ الْأَدَبِ فِي ذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ. Donc il nous dit également le shirk que le fait de nommer des noms dont Allah Azzawajal ne s'est pas nommé lui-même, ou alors le fait de renier des noms dont Allah Azzawajal s'est nommé en lui-même, c'est ici jinaya, ayadan billah, C'est donc considéré comme un crime envers Allah Azzawajal. Et c'est agir donc injustement envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est sous al-adab, c'est le plus mauvais des comportements qu'on peut avoir avec, envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde, dans le cas des hommes, dans le cas des personnes, ton père il t'appelle par un nom, Mohammed. Est-ce qu'il y a une personne qui a le droit de venir et de te dire, ou de t'appeler par un autre nom, de t'appeler par exemple par Sulayman, alors que ton nom c'est Mohammed, et lorsque tu vas lui rappeler que ton père t'a appelé par ce nom, t'as pas le droit de m'appeler par un autre nom, il dit non, moi je choisis pour toi ce nom. Qu'est-ce que tu vas ressentir par rapport à cette personne? Tu vas pas voir qu'il a eu un très mauvais comportement avec toi, alors que dire dans le droit d'Allah Azzawajal, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سُبْحَانَ, que dire alors dans le droit d'Allah Azzawajal, les personnes qui vont rajouter des noms à Allah Azzawajal, ou dire des noms dont il ne sait pas lui nommer, ou alors renier des noms qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici une des raisons que le shir nous cite pour bel et bien prouver que c'est un crime envers Allah Azzawajal, que c'est faire preuve du plus mauvais comportement que l'on peut avoir, nous les êtres humains, envers Allah Azzawajal. Donc al-wajib, comme il nous dit, fawajaba suluk al-adab. Donc on doit adopter en ce cas une conduite qui est convenable envers Allah Azzawajal. Et ici, cela se traduit de se limiter aux noms mentionnés dans les textes, que ce soit le Coran et la Sunna. Ça donc, c'est pour la cinquième. Ensuite, pour ce qui est de la sixième règle, il va nous dire le shir, Al-Qa'idatu Sadisa. Et avant de continuer sur la sixième règle, également, ce que l'on va rappeler à propos des noms d'Allah Azzawajal, et que le shir ici nous a pas cité, mais qui est également un point qui est important lorsqu'on va citer donc et nommer Allah Azzawajal par ce qu'il s'est nommé dans le Coran et la Sunna et s'en tenir à cela. Il faut savoir qu'il y a des noms qui sont venus dans le Coran ou la Sunna rattachés. C'est-à-dire qu'on va, on va les retrouver nommés les deux en même temps. Et dans ce cas, pour ces noms-là, on ne peut les nommer, ou on ne peut nommer Allah Azzawajal uniquement par un des noms sans rappeler l'autre nom. On va donner des exemples pour que ça soit beaucoup plus clair. On sait que la plupart des noms qu'Allah Azzawajal, il s'est nommé lui-même dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus seuls, mufradan, comme par exemple Al-Hayy, comme par exemple Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Samad, tous ces noms-là, ils sont venus seuls, ils ne sont pas venus accompagnés, même s'ils sont venus dans certains cas accompagnés, mais dans d'autres cas, ils ne sont pas venus accompagnés d'autres noms. Donc ces noms, on peut les nommer, on peut nommer Allah Azzawajal par ces noms, yani bil-ifrad, c'est-à-dire on peut les nommer en les citant que, sans les rattacher donc à un autre nom. Il y a d'autres noms, non, qui sont en réalité venus et dans leur signification, ils sont les deux opposés. Ils sont les deux donc opposés. Et à partir de là, on n'aura pas le droit de rappeler un des noms sans rappeler l'autre, mais ici dans un cas qui va être précis. À titre d'exemple, pour que ça soit plus clair, on sait qu'il est venu le nom, un des noms d'Allah Azzawajal, An-Nafi'a, également Ar-Rafi'a, également Al-Mu'ti, également Al-Mu'iz. Ces noms-là, ils sont venus accompagnés d'autres noms. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans le Coran ou la Sunna ces noms relié. Et pour ce qui est de An-Nafi', on va retrouver Ad-Dar, c'est-à-dire Ad-Dar Un-Nafi'. Pour ce qui est de Al-Rafi', on va trouver Al-Khafid, Al-Khafid Al-Rafi'. Pour ce qui est de Al-Mu'ti, on va retrouver Al-Mani', Al-Mu'ti Al-Mani'. Pour ce qui est de Al-Mu'iz, on va retrouver Al-Mudhil, c'est-à-dire Al-Mu'iz ou Al-Mudhil. Ces noms-là, on doit donc les citer rattaché. Et plus particulièrement, celui dont il pourrait avoir une ambiguïté par rapport à sa compréhension. Et dans l'exemple qu'on a donné, à titre d'exemple, Ad-Dharu Nafi'a. Donc ces deux noms, ils sont venus ensemble. Ad-Dharu Nafi'a. Ici, Ad-Dhar, c'est celui qui commet préjudice. Et un Nafi'a, c'est celui qui apporte un bénéfice. Tayyib, Ad-Dharu Nafi'a. Si on aurait cité uniquement ce nom, Ad-Dhar, on aurait nommé Allah Azzawajal Ad-Dhar, il aurait pu avoir une ambiguïté par rapport à la compréhension. C'est-à-dire que la personne, elle va comprendre que Allah Azzawajal, c'est celui qui fait préjudice. Par contre, lorsque ce nom, il est cité avec son opposé dans la signification, et ici, en l'occurrence, l'exemple qu'on a pris, Ad-Dharu Nafi'a, on va comprendre, bien entendu, qu'Allah Azzawajal, c'est celui qui fait préjudice, celui qui donne bénéfice. C'est-à-dire, s'il veut Allah Azzawajal, il fait préjudice à celui qui a mérité ce préjudice, à titre de châtiment, de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Ou alors, le contraire, à Nafi'a, qu'il a donné donc un bénéfice à cette personne qui l'a mérité, de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas citer ici le nom Ad-Dhar lui-même, celui où il va avoir une ambiguïté. Par contre, pour ce qui est de An-Nafi'a, An-Nafi'a, il n'a pas d'ambiguïté, pour ce qui est donc du nom, qui lui ne comporte pas d'ambiguïté. Donc pour ce qui est de Ad-Dhar, on ne peut le citer lui-même, on va être obligé de citer donc toujours les deux noms. Et pourquoi? Parce que dans la Sunna et dans le Coran, ils sont toujours venus les deux. Lorsque Ad-Dhar est venu, il est toujours été accompagné du nom An-Nafi'a, un des noms d'Allah Azzawajal, donc An-Nafi'a. Toujours on a retrouvé Ad-Dhar An-Nafi'a. De même pour ce qui est de Al-Khafid Al-Rafi'a. Al-Khafid, celui qui va rabaisser, ou Al-Rafi'a, celui qui va élever. Donc si on aurait cité uniquement, si on appelle Allah Azzawajal uniquement de par ce nom-là, c'est-à-dire Bil-Infirad, en ne citant que lui, isolé, Al-Khafidu, on peut avoir une ambiguïté, c'est-à-dire celui qui rabaisse. Donc on appelle Allah Azzawajal par son nom, celui qui rabaisse, Al-Khafidu. Alors qu'il est venu, à chaque fois dans la Sunna et dans le Coran, par son opposé quant à la signification, et qui est ici, en l'occurrence, Al-Rafi'a, celui qui élève. Bien entendu, lorsqu'on va ensuite entendre ces deux noms, Al-Khafidu Rafi'a, automatiquement, on va comprendre que c'est celui qui rabaisse, par exemple, un peuple par rapport à leur acte, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mérité, et celui qui élève un peuple, titre d'exemple, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont mérité, etc. Mais on ne cite pas uniquement le nom Al-Khafir ici. Pour ce qui est de Al-Mu'ti Al-Mani'a, de même, on sait qu'Al-Mu'ti c'est celui qui donne, Al-Mani'a c'est celui donc qui retient. Et donc on ne va pas nommer uniquement Allah Azzawajal et isoler donc ce nom et l'appeler donc par Al-Mani'a uniquement là. Parce qu'on l'a dit, c'est venu dans la Sunna et dans le Coran toujours les deux noms cités en même temps. Al-Mu'ti Al-Mani'a. Donc celui qui donne et celui qui retient. Et donc on va comprendre ici la même chose. Donc on n'a pas le droit d'appeler Allah Azzawajal uniquement par Al-Mani'a. On l'appellera par les deux noms lorsqu'ils sont donc rassemblés. Al-Mu'ti Al-Mani'a. De même pour Al-Mu'iz, Al-Mudhil, Al-Mu'iz, donc celui qui va donner l'honneur, qui va donner la puissance, par exemple à un peuple. Waoul Mudhil, qui est ici donc le contraire. Celui qui va lui faire goûter l'humiliation, na'am, etc. Donc ici, on ne va pas appeler Allah Azzawajal uniquement par Al-Mudhil. Al-Mudhil. Alors que ce nom, il est venu, mais il est venu toujours accompagné par son opposé dans la signification qui est Al-Mu'iz. Donc on comprend bien ici, quand on entend ces deux noms, Al-Mu'iz ou Al-Mudhil, on comprend bien donc le sens de par ces deux noms. Et donc leur opposition dans leur signification. Et donc on ne peut appeler Allah Azzawajal uniquement par Al-Mudhil isolé. Parce que en tous les textes, lorsqu'ils sont apparus, ils sont apparus donc les deux. Al-Mu'iz ou Al-Mudhil. Donc ici, ça rentre également sous cette règle, dans le sens qu'on ne peut citer les noms d'Allah Azzawajal et nommer Allah Azzawajal que de la façon dont il s'est nommé dans le Coran et de la Sunna. Donc on voit bien ici qu'on s'arrête au Nusus, que ces noms-là, ils sont venus toujours par deux, et qu'on doit donc nommer Allah Azzawajal quand on le nomme par ses noms, par ses donc ces deux noms. Naam. Ça donc, c'est pour ce qui est de la Al-Qa'idatul Khamisa. Pour ce qui est de Al-Qa'idatul Sadisa, Al-Qa'idatul Sadisa, qui est donc la sixième règle. Le Cheikh, il va nous dire, Rahimahullah Ta'ala, أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. Donc dans cette sixième règle, le Cheikh va nous dire que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ne sont pas restreints à un nombre précis, à un nombre particulier, ils ne se limitent pas à un nombre particulier. Donc ça c'est clair à comprendre, et il va nous rappeler ici les preuves de ce qu'il a avancé le shir, rahimahullah. Il nous dit, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al-mashhur, as'aluka bi kulli ismin, wa lak samayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw istathartu bihi fi ilmin al-ghayb indak, al-hadith rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa al-Hakim wa al-Sahih. Donc ce hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Hibban ou al-Hakim, c'est une invocation que l'on dit lorsqu'on est pris par les soucis, lorsqu'on est pris par al-ham, lorsqu'on est pris donc par la tristesse. Donc c'est dua que l'on dit, et ici le cheikh nous a rappelé donc al-shahid, donc le témoin argumentatif de ce hadith, et qui se trouve dans cette partie du hadith, et qui est la traduction, je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé, que tu as descendu avec ton livre, c'est-à-dire les noms que tu as fait descendre dans ton livre, les noms dont tu t'es nommé, les noms que tu as fait descendre dans ton livre, alors allam tawa hadan min khalqik, les noms que tu as enseigné à l'une de tes créatures, awastathart bihi fi ilm al-ghayb indak, wa hadha huwa shahid, awastathart bihi fi ilm al-ghayb indak, ou alors que tu as gardé secrètement auprès de toi, c'est-à-dire ici dans la science de l'invisible, ilm al-ghayb, c'est-à-dire la science que seul Allah Azza wa Jal connaît, et qui est par rapport à nous donc l'invisible, qu'on ne peut connaître, on ne peut avoir donc accès, qu'aucune créature ne peut avoir accès. Donc il y a des noms qui n'ont jamais été communiqués aux êtres humains, et donc ils ne connaissent pas, et que seul Allah Azza wa Jal a gardé en secret auprès de lui. Donc ces noms-là, ils ont un nombre. Et les noms qu'on connaît, ils ont donc un nombre. Donc à partir de là, on pourrait dire que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ont un nombre bien particulier. 99, par exemple, comme on va l'expliquer dans l'autre hadith. Non. Ici, c'est une preuve qui est plus que claire pour dire que Allah Azza wa Jal, il a des noms que l'on ne connaît pas. Et donc, d'autres noms qu'il n'a pas cités et dont le nombre nous est inconnu. Automatiquement. Et donc on ne peut à partir de là qualifier Allah Azza wa Jal par un nombre de noms particuliers. Également dans le hadith authentique, lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit le prophète Sun, la uhsi thana'an alayk, athana bil asma, c'est-à-dire je ne peux donc décompter les louanges envers toi. Et bien entendu ici les louanges, c'est les louanges par les noms d'Allah Azza wa Jal. La uhsi thana'an alayk. On peut également comprendre de ce hadith que Allah Azza wa Jal, il a plus de noms de ce qu'il nous a cités, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit le shir, وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ حَصْرُهُ وَلَا إِحَاطَةُ بِهِ. Donc personne ne peut, il est impossible de dénombrer ou de connaître les noms d'Allah qu'il s'est gardé donc de révéler. Et certains savants ont dit, comme Ibn Hazm et d'autres, ont dit qu'Allah Azza wa Jal, il a un nombre de noms qui est particulier. Et ils ont pris comme preuve ce hadith qui est le suivant. Et donc, on va expliquer, on va y répondre. Il nous dit le shir, فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينِ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْأَسْمَاءِ بِهَذَا الْعَدَدِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَصْرِ لكانت العبارة إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأن أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونذير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. Donc le shir nous dit ici que dans ce hadith, hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillah, à Allah donc appartient 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Donc on va expliquer ce que veut dire ce terme-là, man ahsaha dakhala al-jannah. Il rentre donc dans le paradis. Ce verbe-là, man ahsaha, que l'on peut traduire par celui qui va les décompter, celui qui va les apprendre, etc. On pourrait comprendre ce hadith qu'Allah Azza wa Jalla a donc 99 noms. Ce qu'ont compris certains savants, comme Ibn Hazm et d'autres. Mais on va répondre, dans un premier temps, par les preuves précédentes et par l'explication de ce hadith. Ici, nous dit le shir qu'il n'y a pas de restriction par rapport au nombre qui était cité. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a uniquement 99 noms. Dans un premier temps, par rapport à la constitution de cette phrase grammaticalement. Et que si on aurait voulu la restriction, il aurait fallu dire ce que le shir donc nous a cité. Inna asma Allahi tis'atun wa tis'un. C'est-à-dire les noms d'Allah Azzawajal sont de 99. À ce moment-là, non. On a compris qu'Allah Azzawajal, donc il a uniquement 99 noms. Mais là, inna lillah, il appartient à Allah tis'atun wa tis'in isman. Il appartient à Allah, tisatun wa tisain isman. C'est-à-dire qu'il appartient à Allah. Donc, il lui appartient 99, mais il peut lui appartenir également d'autres noms. Il n'y a pas ici donc de restriction par rapport au nombre. C'est pour ça qu'il nous a dit que cette phrase-là, et ensuite celle qui va venir, man ahsaha dakhala al-jannah, c'est une phrase qui vient compléter celle qu'il y avait avant. Man ahsaha dakhala al-jannah. Ce n'est pas une phrase donc qui est mustaqilla. C'est-à-dire une phrase qui n'est pas indépendante. Il va nous donner un exemple pour bien comprendre comment est formée cette phrase. Si maintenant une personne elle dit Indi mi'atun dirham, donc la même chose. Indi mi'atun dirham, c'est-à-dire je possède 100 dirham. A'adtu li sadaqa, je les ai préparés donc pour une aumône. Lorsque tu dis cette phrase-là, automatiquement la personne qui va l'entendre, elle va comprendre que tu as 100 riyals ou 100 dirhams. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autre argent. C'est cet argent-là, tu l'as préparé pour quoi ? Pour une aumône. Ça ne veut pas dire que tu as préparé tout l'argent que tu avais pour l'aumône. J'ai donc, j'obtiens, ou il m'appartient 100 dirhams. Et je les ai préparés pour l'aumône. De même ici dans le hadith, Allah Azza wa Jal a... Allah Azza wa Jal possède 99 noms. Ceux donc qui vont les apprendre, qui vont les comprendre, etc. Ceux-là, ces gens-là, ils vont rentrer donc dans le paradis. Donc on voit ici que c'est exactement la même tournure. Et donc ça prend exactement le même sens. Donc on voit que d'après le sens de ce hadith-là, on ne pourrait, même si on avait juste ce hadith, on ne pourrait affirmer qu'Allah Azza wa Jal a uniquement 99 noms. Ensuite, le shir, il va nous dire, وَلَمْ يَسِعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْيِينُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِي عَنْهُ فِي تَعْيِينِهَا ضَعِيفٌ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن القاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث أو في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري في التبعة السلفية ليست العلة عند الشيخان البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف في وليد الطراد وتدليسه واحتمال الإدراج. Donc il va simplement nous citer le shir, il va faire allusion à un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, où lorsque ils ont rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans certaines versions de ce hadith la citation de 99 noms qui viennent ensuite par la suite du hadith. Il va tout simplement, le shir, sans rentrer dans tous les détails, nous rappeler la parole de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, également la parole de Shir du Hafid ibn Hajar, ces grands savants donc, qui vont nous rappeler que la citation de ces hadiths ou de ces noms, Arfwan, la citation de ces noms après donc le hadith qu'on a cité, ça ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était une parole qui était rajoutée ensuite par ceux qui ont rapporté, par ceux qui ont transmis ce hadith là. Tayyib. Et c'est ici une babel al-idraj, c'est-à-dire qu'on va rajouter une parole dans le hadith qui à la base qui n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui lorsqu'elle va être ajoutée ensuite certaines personnes vont croire que ça fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et bien entendu les savants du hadith lorsqu'ils étudient les chaînes de transmission, ils peuvent donc faire apparaître de façon claire, comme l'ont fait les savants, comme nous le rappelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici, ils vont faire apparaître de façon claire que cette version où il est cité les 99 noms, ce n'est pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était donc rajouté par certains chouyour, professeurs de cette personne, ce transmetteur du hadith qui s'appelle Al-Walid, et qui est en réalité Al-Walid ibn Muslim ibn Shihab Al-Anbari, qui est thiqa, une personne qui est fiable, mais qui est connue pour son tadlis, pour le fait en réalité de tromper, de taswiya, et donc de nommer également ces chouyour par d'autres noms, pour ne pas qu'on les reconnaisse. À la kulli hal, ça c'est des, on va dire, des techniques utilisées par certains transmetteurs pour que leur hadith soit accepté. On ne va pas rentrer dans les détails. À la kulli hal, le shir ici, d'après ces paroles de ces grands savants, il nous prouve que la citation des noms qui sont présents à la suite du hadith qu'on a cité, « Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman », ça ne fait pas partie de la parole du prophète. Donc on ne peut pas la considérer comme telle. Mais c'est un ijtihad de certains savants parmi les rapporteurs de ce hadith qui l'ont ensuite rajouté. Taïb. Et on sait que, comme va le faire le shir, rahimallah, ensuite, il va faire un ijtihad pour rapporter 99 noms. Sachant qu'il y a plus de 99 noms, si on regarde le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Ce qui en a été également une preuve pour dire que Allah azzawajal n'a pas uniquement 99 noms. Ça également, c'est une autre preuve. Pour celui donc qui va ensuite lire le livre d'Allah et qui va faire un effort, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va voir un nom, que ce soit dans le Coran ou lorsqu'il va lire la sunna, qui va faire l'effort donc de marquer ou d'écrire sur une feuille tous les noms qu'il va rencontrer, il s'apercevra à la fin qu'il va y avoir certainement plus de 99 noms. Donc il y a beaucoup de savants, même parmi les salafs comme l'imam Ahmed, comme Soufiane Thawri et d'autres savants encore, qui ont fait l'effort d'essayer de rassembler donc 99 noms comme il est cité dans ce hadith, et ensuite donc d'apprendre ces noms. Et comme on va voir lorsqu'on va expliquer ce terme man ahsa, tout ce que cela comprend, c'est-à-dire d'appliquer ce que cela indique. Taïb, ça fait une heure court, et en réalité on va détailler un peu pour ce qui est de ce terme, cette parole du prophète sallam, man ahsa dakhala al-jannah, parce que c'est quelque chose qui est important. Et ici c'est vraiment du tatbiq, c'est-à-dire c'est de la pratique, c'est vraiment de la pratique, et c'est très utile à tous les musulmans qu'ils comprennent réellement ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, et ensuite donc d'appliquer ce que contient cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie de tous les jours, et ainsi donc de se rapprocher d'Allah azza wa jal et d'obtenir al-fawz, c'est-à-dire la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà lorsque la personne rentrera dans le paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man ahsa dakhala al-jannah, il rentrera donc dans le paradis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.